Bonjour et bienvenue dans On a rien préparé, l'improvisation bruxelloise dans laquelle on a rien préparé, parce que sinon ce n'est pas de l'impro. Waouh. Je crois que le record est battu. Je suis Chamel Amoury. Et je vous accueille pour cet épisode 29 de notre cinquième saison de On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Maintenant que c'est articulé correctement, nous nous retrouvons avec Isobracel. C'est moi. Ah pardon, c'est moi. Et Manu Hennebert, je suis curieux de savoir ce qu'elle va faire. C'est moi. J'ai essayé de ne pas articuler, c'est dur. C'est moi. On aurait dit Mario qui se cognait l'orteil tout en disant un truc. On peut dire aussi que c'est la dernière saison. Ouais, eh bien oui. Oui, dans ce podcast où nous sommes tout à fait professionnels, intégralement professionnels, surtout moi. Dans notre manière d'interagir avec un micro. Et vous savez quoi, j'ai, à part le fait que c'est le fucking printemps et que c'est plutôt pas dégueu, que j'apprécie l'idée de pouvoir remettre des shorts, ça c'est cool. Qui est juste là à portée. Là. Quoi? Le fait de remettre des shorts. Ouais, c'est, tu vois, dans juste un petit moment, ce sera le moment. Ah ouais? Oui, c'est vrai qu'il y a... Ouais. C'est encore le fin avril, on est encore un peu frais. Mais vivement ce temps-là. Nous retrouvons pour un épisode, en fait, somme toute très classique. Mais qu'est-ce que ça veut dire un épisode classique de On n'a rien préparé? Ça veut dire trois improvisations avec des contraintes diverses et variées pour le fun et le challenge. Et bien entendu, si cet épisode vous enjaille, dites-vous que nous avons... un beau tas d'autres épisodes que vous pouvez venir écouter et que vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur Instagram @onarienprep ou bien sur Facebook On a rien préparé et nous suivre, nous rajouter à vos flux RSS ou alors aller sur Spotify pour nous écouter. Mais si vous êtes en train d'entendre ce que je dis, vous êtes déjà en train de le faire. Donc, quelle est l'utilité de cette intervention? Je ne sais pas. Bref, j'avais dit que nous allions faire trois improvisations et nous allons commencer directement avec une improvisation. Pas vrai, Manu? Oui. Et suivant la tradition multisaisonnière de ce podcast, je suis en charge des interviews littéraires. Ah oui. La culture. La culture. Et la culture de l'écrit. Je vous ai donc préparé un livre. Et lors de l'improvisation qui va suivre, eh bien, vous allez simplement nous livrer votre version de ce livre à travers une interview entre, d'un côté, James Bridle, auteur de « Toutes les intelligences du monde », le livre du jour, et de l'autre côté, une journaliste qui l'interview. Alors oui, sur la couverture, il y a des champignons, et des champignons, et des champignons, et c'est des champignons. C'est pour ça que tu as acheté le des livre champignons. Oui, absolument. Vous en un trip champignonnier de poumon. Je vous en parlerai très brièvement par la suite. Sinon, on m'accuse de faire plusieurs coups de cœur, tout ça. Je vais donc vous lancer sans plus attendre. Arrêtez de me donner le mauvais rôle. Hicham sera James Bridle. Venu arrêtez de me donner le mauvais rôle. Toutes les intelligences du monde. Et Ise, la journaliste chargée de l'interviewer, dont le nom n'est pas déterminé à ce stade de l'improvisation. Attention, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Champignon-Nion, la radio où on parle de toutes les choses qui ont un nom. Mais aujourd'hui, ce qui a un nom, c'est James Bridle. James Bridle, bienvenue. Salut. James, à part votre regard perçant, il paraît que vous avez quelque chose de formidable entre vos mains. C'est votre nouveau livre, Toutes les intelligences du monde. Oui, c'est le travail de, enfin c'est le résultat de beaucoup de travail et je me suis versé corps et âme dans cet ouvrage et voilà, maintenant c'est fait, il est sorti. Mais bravo James, ceci est déjà un best-seller. Mais avant de parler de votre livre, parlons un peu de vous. J'appelle ça un best-miss-seller. Best-miss-seller, bien entendu. Avant de parler de votre livre, Toutes les intelligences du monde, je propose que nous parlions de vous et de votre formation qui a un grand lien avec la nature, paraît-il. Oui, effectivement. Avant, j'étais... En fait, j'étais travailleur du bois. J'étais bûcheron, en fait. Vous étiez bûcheron. J'étais bûcheron. Hein. J'ai beaucoup travaillé dans des endroits très, très reculés, très perdus, au contact de la nature, du bois, du lichen, mais évidemment aussi des champignons qui poussent sur les arbres et sur le sol autour des arbres. Et plus j'étais en contact avec eux, plus j'ai l'impression d'avoir acquis une nouvelle chose, accès à quelque chose de nouveau. C'est vrai, d'ailleurs, dans votre livre, on peut voir un extrait en langage champignon. Oui. Mais si je traduis sommairement... Mais ça ne passera pas par la radio, c'est les sports qui font tout le travail. Oui, oui, bien sûr, c'est vrai. Mais puis-je me permettre de traduire un petit passage ? Oui, allez-y. Alors, je vois ici, page 257, cette approche a donné lieu à de nombreuses découvertes, comme la robotique molle. Exactement. Pouvez-vous nous en dire plus ? Eh bien, c'est simple, c'est que... voilà, c'est un peu dur. C'est un peu dur de dire ça juste à la radio, mais je ne suis plus le même qu'avant. Et en fait, à force de rentrer en contact avec les champignons, je suis devenu champignon moi-même. Et la robotique molle, c'est un peu comment le fait que les champignons prennent du cerveau d'être humain pour en faire des robots mous. Comme je le suis devenu à présent. Oui, je leur dis. Vous allez bien, James ? Oui, les champignons du monde vous disent que l'heure est proche. L'heure est proche ? Et que bientôt, nous serons tous des robots mous. Mais enfin, James, calmons-nous. Tout ceci ne reste que de la fiction. Nous sommes dans une émission. Tout va bien. Je tiens à dire à tous nos auditeurs et auditrices que ceci est une mission sous contrôle. James, qu'est-ce qui m'arrive ? Vous êtes en train de devenir une robot molle également. Bientôt, nous serons tous plus intelligents car nous ne serons qu'un. Un seul champignon géant relié à travers la Terre. Bienvenue. C'est tout pour nous. Retrouvez-nous sur champignon. Waouh. Oh waouh. Merci. C'est Merci Black Mirror des champignons. Mais c'est... C'est les fourmis mythes. C'est surtout le début de attends, c'est comment ce le jeu vidéo d'horreur très connu? Ah oui, The Last of Us. The Last of Us. Ah oui, oui, oui, oui, les zombies, c'est clair. Les zombies sont en fait des champignons, enfin des champignons qui parasitent des êtres humains. Pardon si c'est un spoiler pour vous, je ne sais plus. Un spoiler des premières minutes. Qu'est-ce que vous faites, ce jeu date... Ok, d'accord, ça date d'après. Donc, les intelligents qui misent Brotherhood, mais c'est vieux, quoi. Waouh, la ref, il y a deux épisodes. Donc, toutes les intelligences du monde. Eh bien, James Brittle. Très rapidement, en fait, il a été connu dans un premier temps comme... non. En fait, il a écrit un livre sur les intelligences artificielles et comment, en fait, si on change notre rapport aux intelligences artificielles, on peut se dire que les intelligences artificielles, en fait, sont un truc qui pourrait être vraiment très très chouette. C'est juste qu'il faut arrêter de les configurer et de les nourrir pour mettre en avant la compétition et la compétitivité et le fait d'écraser les autres. Mais que si on leur donne, si on crée des algorithmes qui valorisent la collaboration et la cohabitation et tout ça, en fait, on peut avoir des intelligences artificielles qui sont vachement bien et qui peuvent nous donner des solutions pour l'avenir. Ouais. Et dans ce livre-ci, eh ben, il étend ça en montrant à quel point le fait de se baser sur l'intelligence humaine, c'est de la merde. Enfin, le fait qu'il n'y a que les humains qui sont intelligents, c'est vraiment de la merde. Et le fait de dire « Ah, mais les autres êtres vivants de cette planète sont intelligents parce qu'ils sont comme les humains », c'est vraiment de la merde. Et qu'au lieu de ça, il faut essayer d'éclater les carcans et de se dire « Ah, mais en fait, il y a plein d'autres manières d'être intelligent et d'avoir un rapport au monde et tout ça. » Voilà. Alors, avec plaisir. C'est exactement ma thèse dans cette improvisation. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon, on veut dire que je fais plusieurs coups de cœur et tout ça. Mais allez lire toutes les intelligences du monde de James Brittle. Qui va dire ça ? Pas moi. Même si c'est moi qui présente et qui suis le garant de la structure de cet épisode et que je n'ai pas du tout eu besoin que Ize... Oui, je sais, merci, Ize. Que Ize me rappelle... qu'il fallait que je reprenne la parole, ça ne m'a pas rappelé du tout. Et nous allons continuer avec une impro qui nous est proposée par Ize. C'est moi. Je vous propose une SFX. Manu et Hicham, vous allez jouer une improvisation avec sound un petit thème. What? Une sound effect. What? Et comme son nom l'indique, je vais parfois, de manière totalement impromptue et rigolote, vous... vous transmettre des effets sonores et démerdez-vous pour les intégrer dans l'impro. C'est clair ? Oui, oui, madame. Eh bien, votre mot pour commencer sera cravate. Cravate, c'est parti. Bah, elle est trop longue. Mais c'est comme ça que ça se porte. Bah, ça se porte jusqu'au genou. Bah oui. Ah, bah. Attends, toi, tu l'as mise. Je n'avais jamais. La tienne jusqu'au nombril, mais enfin. Mais bon, ok. Alex, ça ne se porte plus comme ça depuis longtemps. Depuis longtemps, mais la semaine dernière encore, tout le monde avait sa... C'est le signal. Ah non, la réunion commence. Qu'est-ce que je. De quoi je vais avoir l'air? Allonge ta cravate. Allonge ta cravate très vite. Mais elle est trop courte. Ah, elle est défaite. Non, elle est défaite. Attends, clip là. Clip là, voilà. Voilà. Ah, ils sont là, enfin. Oh, oui, Bonjour. Bonjour, nous sommes là pour notre présentation. Installez-vous, installez-vous. Leurs cravates sont jusqu'à leur nombril. Oui, alors. C'est le son que vous entendrez si vous achetez notre produit. Et oui. Car bien entendu, nous vous promettons des gains faramineux et tout cela dans une sécurité financière totale. Le tout en allongeant les cravates, parce que des cravates plus longues sont des cravates plus chères et des cravates plus chères font plus de rendement pour nous, le secteur de la cravate. Ah donc. Voilà, c'est la fin de la présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Bien. Gaël, tu... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu viens d'inventer le truc des cravates jusqu'au genou, en fait. Eh bien oui, écoute, on n'avait rien sur notre PowerPoint jusque hier, alors j'ai fait un pu me prévenir, je sais pas, regarde, ils avaient tous des cravates jusqu'au nombril. Excusez-moi, c'est moi la personne qui a applaudi toute seule. Oui. Je suis très intéressée, si vous avez quelque chose à me présenter matériellement dans 5 minutes, moi j'achète. On revient tout de suite. Donne-lui ta cravate. Passe par ici. On n'a rien à lui donner. On n'a rien à lui donner. Ta cravate, elle est expérimentale. Elle risquerait de s'étrangler avec si on lui donnait la lui. Si, regarde. Il y a mon train de cravate qui vient d'arriver. Alors, je peux avoir quelque chose ? Oui, nous avons ici une pleine caisse de cravates jusqu'aux genoux. Oh, attendez, laissez-moi les essayer. On appelle ça des jevates. Elles sont totalement défectueuses. Non, on va pas vous appeler des jevates. Ah, mon bras, mon bras, mon bras. Waouh! À faire du venture capitalisme, voilà ce qui se passe. Voilà. À bas les cravates! À bas les terroristes en cravate! Waouh! À bas le venture capitalisme. Vraiment, ce son où il y a une personne qui applaudit. C'était pas magique, c'était vraiment. C'était magistral, vraiment. J'avais oublié. C'est trop drôle! 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour aussi me laisser la bien. Surprise. C'est trop bien. Ouais. C'est le genre de moment magique dans ces intros, oui. T'es là. Ouais. Voilà. Avec le tarot, là, il y a deux épisodes. Quoi, oui, c'est vrai. Tout à fait. Merci. Avec ben, merci à toi pour ces beaux sons. Mm-hmm. Oh, c'est beau son. C'est beau son. C'est beau son. Et sur ces beaux sons, nous allons passer à... Je me suis entendu dire ça. Nous allons passer sur ces belles jevates. J'espérais faire décrocher. J'avoue que j'avais l'espoir secret de faire décrocher un peu Manu en disant ah, jevate. Ah oui. J'ai essayé de la regarder dans les yeux, genre... Elle a fait genre pff, rien du tout, genre putain. Imperturbable. Échec total. Non, attends, il faut intégrer le son. Je ne peux pas me laisser rire. Est-ce que c'était une imprimante qui allait de plus en plus fort? Non, c'était un train. Ah oui, c'était un train. Moi, j'entendais une horloge comme ça qui était très lente. C'était quoi? Il me semblait que c'était un. Où ça? Quand ça? Le truc. Eh bien, c'est pas très clair. Il est mis pression comme effet. J'étais là, c'est bizarre, je prends. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui met des pressions sur un... Tu vois, ou la pression qui augmente. Peut-être, ouais, je sais pas. De manière métaphore. Extrêmement étrange, ouais. Ah, bon. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Bref, nous avons fait les trois impros qui étaient promises au début de l'épisode. Déjà et qui, au final... Non, ah non, non. Tu dois faire la tienne, voyons, Hicham. Oh là là. Tu essayes de partir loin de la flashback. Ah, mais attends, nous pouvons faire... Et à présent, il ne reste plus qu'une seule improvisation, mais la meilleure des trois. Pas que les deux autres étaient pas bien, mais juste celle-là va être incroyable, parce que c'est moi qui la présente, ou alors parce que c'est Ize et Manu qui la jouent, c'est pas clair. Et nous allons faire une flashback. Et cette flashback, je vais avoir accès à deux effets sonores. Le premier pour revenir en arrière, enfin un flashback dans dans l'improvisation. Et un autre pour revenir à l'action présente et arrêter le flashback. Voilà. Est-ce que les flashbacks seront dans la même timeline ? Je ne sais pas. Est-ce que vous allez avoir encore votre santé mentale si vous avez essayé de comprendre cette improvisation ? Après, eh bien, je ne sais pas. Non plus. Et c'est une question que je pose pour Manu et Ize également. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Et le mot qui va vous inspirer sera... Oh, rabat. J'aime bien rabat. Genre le rabat d'un cartable ou d'un... Par exemple, ce que vous voulez. Vous le prenez comme vous voulez. Et c'est parti. Maintenant. Ah non, raté. Alors non, j'ai fait un Manu. Donc on ne peut pas toujours gagner. Oh. C'est parti. Allez, s'il te plaît, rends-moi mon goûter. Alors, tu dois me donner les résultats du contrôle de maths. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On était amis il y a un quart d'heure. Mais tu sais... T'es mon meilleur ami pour la vie, Gabi. Pour la vie entière. Pour la vie entière. Viens, on le grave dans cet arbre. Oh oui. Et attends. Plus... Plus. Oh non, j'ai pas étudié pour le contrôle de maths. Est-ce que ah, tu peux me donner... Bête. Ah c'est toi qui as fait... C'est toi qui as pris les décisions qui s'imposaient. Mais j'avais pas le choix. La prof de maths m'a demandé. Moi non plus, j'ai pas le choix. Je vais devoir manger non. Ton goûter. Non, pas ce goûter, la pitié. C'est ma mère qui l'a fait. Vraiment, oh, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a dedans ce... J'allais te prévenir. Maman, qu'est-ce qu'il y a dans mon goûter tout à l'heure ? Oh, mais c'est un goûter surprise ! Oh, est-ce que je pourrais le partager avec Gabi ? Oh là là là, ne le partage avec personne. C'est un goûter qui est censé rendre toutes tes défenses immunitaires immunisées à tous les allergènes de la planète. Ah, heureusement que moi ça va, mais que les autres ça va pas. Mais c'est grâce à ces goûters spéciaux que tu es immunisé à tous les allergènes de la planète. Aïe, aïe, aïe. Le soleil et le vent et toi et l'encre sur mon doigt et tout. Mais, attends, essayons de nous souvenir de ce que la prof de science avait dit sur les allergènes. Peut-être une évolution. Non, les allergènes sont une réponse immunitaire inappropriée du système immunitaire qui surréagit à une stimuli externe que les anticorps du corps identifient comme pathogène. Ah oui. Et donc, ça veut dire que si un jour on fait une réaction allergique complètement folle, on doit juste supprimer tous les stimuli et après on ira mieux. Et ensuite, on va faire de la mort. Qu'est-ce qu'il disait ? À présent, je ne peux plus te parler qu'à travers ce filtre. Pourquoi ? Parce que je suis dans une boîte nullifiée. Plus aucun stimulus du monde extérieur ne peut me parvenir directement. Oh mon Dieu, mais comment est-ce qu'on va se serrer la main ? Comment on va faire notre check ? Eh bien, tu devras être mon relais pour le monde extérieur. Je ne pourrai m'exprimer que par toi et tu seras ma voix et mes yeux et mes mains. Ça marche, Gabi. Et je te passe mes notes de maths. Et nous serons amis pour toujours. Oui. Bim. Voilà. Bim. Clarté, formidabilité. Ah ouais. Incroyabilité. Oui, c'est vrai, c'est clair. C'est vrai, mic c'est clair. Drop. À part la prof de science, là. Oui, ça a éclipsé les deux premières impros de l'épisode. Alors là... Comme prévu, parce que je ne la jouais pas. Oh, zut, je suis intervenu dedans. De l'auto-shade, boum, boum, boum, boum. Non, mais je suis intervenu dedans, ça l'a sauvé. je ne sais pas à quel degré d'ironie, il y a trop d'ironie. Ouais, moi, j'imaginais que la mère serait en mode, Je sais que la petite Gabi est shady. Donne, si elle te vole ton goûter, lui arrivera des bricoles. Moi, je voulais faire un truc plus débile. Pour l'influence de Dune est très puissante en moi pour le moment. Oui, oui, c'est ça. Genre, faut se calmer, magnifique. Il y a des plans dans oui, des plans. Oui, même dans la, des plans. La fin, tu seras ma voix, genre. Pff, oui, clairement. Oh là là. Voilà. Quelle monomanie. Trop, hein. Quelle non, monomanie. Vraiment, lisez les livres, parce que si vous avez aimé le film. Les livres sont tellement incroyables. Les livres sont incroyables. Enfin, en tout cas, le premier livre, il est incroyable. Eh bien, c'était la fin des impros. Et par ailleurs, pendant que vous étiez en train de ne pas écouter la prof de science, j'ai dit des vrais termes utilisés dans, oui. dans le contexte des réactions on allergiques. On n'en doutait pas, Hicham. Genre, mort. Notamment la mort, oui. Bah, exactement. Un vrai terme. Oui, c'est un vrai terme utilisé. Dans la médecine. Oui. Maintenant que nous avons fait nos trois impros et que j'ai pu étaler ma science, nous allons passer à une autre façon d'étaler notre culture. Vrai. Avec les coups de cœur, et nous allons commencer par Manu. Oui, alors aujourd'hui, je vais vous donner un coup de cœur qui n'est pas du tout un coup de cœur feel good, mais qui est un coup de cœur assez formidable. Ça s'appelle « Ou peut-être une nuit ». C'est un podcast en 6 parties, en 6 épisodes, qui est diffusé chez Louis Media et qui est dirigé et animé par Charlotte Pudlowski. Alors, c'est le fruit d'une enquête de 2 ans que Charlotte Pudlowski a menée après que sa mère lui ait révélé, alors que Charlotte Pudlowski avait une 30aine d'années, que sa mère, étant enfant, a été abusée par son père et a subi de l'inceste. Et du coup, oui, je vous avais prévenu, ce n'est pas feel good. Et donc, pendant 2 ans, Charlotte Pudlowski a mené une enquête, à la base en écoutant sa maman parler, et puis après ça, en allant rencontrer d'autres victimes d'inceste, et puis des personnes qui s'intéressent au sujet, etc., etc. Et elle livre en 6 fois 45 minutes quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment, vraiment formidable. Très complet sur le sujet, très beau, très fort. C'est vraiment, je trouve que c'est un travail journalistique qui est incroyable et surtout un travail de concision parce qu'on sent qu'à chaque fois, elle aurait pu s'étaler pendant des heures et des heures sur le sujet, mais le fait même que tout tienne en 6 fois 45 minutes, c'est très fort. Elle en a tiré un livre que je n'ai pas encore lu, mais que je lirai sans doute. Et voilà, vraiment, allez lire, parce qu'elle part de ces cas-là, mais elle interroge petit à petit aussi qu'est-ce que ça dit de nous en tant que société, le fait que, justement, l'inceste soit beaucoup réduit au silence, qu'on n'en parle pas dans les familles qui subissent de l'inceste, qu'on en parle très très peu au-delà, et que même politiquement, en fait, la réponse reste très très faible, alors qu'on estime que c'est environ 10% de la population qui a subi de l'inceste étant petit, plus des filles que des garçons, mais dans l'ensemble, 10% de la population. Et donc, sur une classe de taille moyenne, c'est-à-dire d'environ 25 à 30 élèves, eh ben, il y a entre 2 et 3 élèves dans toutes les classes qui subissent ou qui ont subi de l'inceste. Et pourtant, on n'en parle pas plus que ça, c'est pas plus condamné que ça, etc. etc. Donc voilà, alors c'est un sujet qui est lourd, c'est un sujet qui est dur. Écoutez ça quand vous allez bien. Mais c'est vraiment très très fort et je ne peux que vous conseiller très très fort d'aller écouter ça. Voilà. Merci. ça va, Ise? Je... eh bien, c'est ton tour de donner ton coup de cœur qui, je l'espère, pour toi surtout, a de meilleures vibes. Et il a des meilleures vibes, je dois dire. C'est difficile d'avoir des pires vibes. Alors là... D'autant que c'est pour un cocktail bar. Pour oublier tout ce qui vient de se passer. Non, mais merci beaucoup Manu, c'est très important, mais mon cocktail est vraiment aux antipodes. C'est pour le cocktail bar dans le centre de Bruxelles qui s'appelle Marcel, que j'ai découvert récemment. Marcel avec deux L. Et ils y servent des cocktails très très bons, dans une ambiance un peu... caverne aux merveilles tamisées comme ça et j'adore les cocktails, je suis grande amatrice de cocktails. Place du samedi dans le centre. C'est où la place du samedi? C'est derrière De Brouckeur. Ok. Entre De Brouckeur et Sainte-Catherine ish. Ah. Ok, d'accord. Il y a une place qui s'appelle la place du samedi. Ah. Trop, je ne savais moi non plus. Et on y va le mercredi. Eh ben, je compte étriner ça ce soir. Et voilà. Et il y a aussi pas mal de mocktails aussi pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool. Et ça, c'est très important. Il faut y aller pour le croire. Allez là-bas. Bisous, Marcel. Merci. Merci. Je note Marcel. Ça très soigneusement dans mon carnet d'adresse. Endroit merveilleux pour un date. Je note soigneusement cette information. C'est mon tour et mon coup de cœur est pour un album de musique. Et cet album de musique s'appelle Post, P-O-S-T, Et c'est un album de Björk. Come on, post. Pardon, vas-y. C'est un album de Björk. Oh, Björk. Oui. J'adore Björk. Mon Dieu, j'ai appuyé sur un bouton. qui est sorti en 1995. Donc cet album a 30 ans bientôt. Non, c'est lequel? C'est dingue. Deuxième. Son deuxième album. Je regarde ce qu'il y a. Parce que le premier, c'est Debut, qui veut dire premier album, en fait, dans le vernaculaire de l'industrie de la musique. Et donc Post, c'est son deuxième album. Et c'est un album, mais en fait, c'est juste Björk. C'est un peu... un peu un ovni. Bon, déjà, oh oui, elle est connue pour être celui-là. Un ovni. Mais aussi un ovni à quel point, en fait, c'était précurseur de la musique moderne. En fait, c'était une époque où il n'y a pas la MAO, il n'y a pas la musique assistée par ordinateur, il n'y a pas plein de synthés accessibles via Internet, mis sur un ordi, il n'y a pas les claviers USB, ça n'existe pas. Et cette meuf fait exactement le genre de musique moderne qui ça. En fait, elle est au carrefour du trip-hop, de la... du jazz expérimental, de la musique électro, de la pop. Les deux premiers albums sont révolutionnaires, à quel point ils sont précurseurs et à quel point ils sont pionniers dans ce genre de truc. Et je me demande à quel point Björk n'est pas... on lui donne pas ce qu'elle... On lui rend pas ce qu'elle a... accompli. Bah, oui. Je ne sais pas comment formuler cette phrase. C'est pas dit à quel point j'ai l'impression qu'elle a influencé, ou alors juste elle a fait dans son coin et personne s'en est rendu compte. Des trucs que même moi je fais, en fait. Fou malade. Et c'est expérimental, c'est étrange. Elle a une façon de parler qui est les gens qui écrivent de manière ultra directe mais ultra poétique en même temps. C'est ultra frontal, ouais, comme façon de parler des choses. Et du coup, c'est fascinant. Ça me fait penser un peu à la manière dont Jacques écrit, sauf que Jacques, c'est un peu plus influencé par du hip-hop et du slam. Elle, c'est vraiment juste... Elle fait ce qu'elle veut. Elle dit « Je vais parler de ça !» Et c'est pété. Et même les sujets sont ultra incroyables. Ouais. Et donc, sur cet album, je vais vous recommander quelques morceaux quand même. Il y a le premier, Army of Me, qui est incroyable. C'est juste incroyable. En fait, il se trouve qu'elle engueule son frère qui fait trop chier. Et c'est ça, l'histoire de ce morceau. Hyper balade, qui est une sorte de contemplation de l'appel du vide et de la... de l'appel du vide. Il y a Oh So Quiet, qui est comment on tombe en amoureux et comment on devient dingue et où elle déploie sa singlitude. Et il y a aussi Enjoy, qui est aussi musicalement juste trop bien, avec une vibe électro étrange. Et il y a plein d'autres morceaux qui sont super cool. Possibly Maybe, qui est très étrange et qui est tout contemplatif. Bref. Cet album est incroyable, visiblement, est d'accord avec moi. Donc voilà, Björk, pionnière de la musique moderne, allez l'écouter. Elle a fait récemment une collab avec Rosalia, j'ai implosé. Ouais, il est très étonnant, hein, ce morceau. Bah, il est étonnant, mais surtout Rosalia Björk, ma tête a fait... Ouais. Sors avec. Heavy breathing. Eh bien, ça clôture les coups de cœur de cet épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Moana. Oui. Cette personne saugrenue et que je trouve être une grande qualité. Ah oui. Au revoir, en fait. C'est un peu les questions d'Iseux qui sont incarnées, Moana. Pardon ? Oui, c'est vrai. Tu parles de personnes saugrenues, il y a les questions saugrenues du jour. Et je sens tout à coup un lien étrange entre ces deux faits du monde. Ah ouais, mais et avec les soirées PowerPoint, Moana est une grande fan de soirées PowerPoint. Ah ben voilà. Ça ne m'étonne pas du tout. Enfin, J'allais dire de la même famille, mais c'est bizarre. De la même engeance. Du même moule. On a du même moule, Moana et moi. Et bien sûr, ces bonnes paroles. Ces bonnes paroles. Faites attention à vos engeances et à vos moules, sans le moindre jeu de mots fallacieux là-dedans. Et à la semaine prochaine. Oui. je vais tenter un truc. Si je fais ça. Tout a explosé. Oh non. Arrière, tu vois la ville. C'est clair.